Nibigira. Eric Ouimana sur la mise en onde. Bienvenue à cette édition de la mi-journée dont on va citer d'abord les principaux titres. Une justice accessible à tous est l'une des perspectives prioritaires prévues dans le plan de développement qui va régir le Burundi jusqu'en 2027, officiellement lancé ce mercredi. Sur les 8 derniers axes d'orientation du diplôme, un accent sera mis sur la coopération régionale, sous-régionale et internationale. Il s'observe un manque d'eau dans les quartiers Tawa et Songa de la zone Gyocha. Nous sommes en mairie de Bujumbura. Les habitants de ces quartiers disent éprouver des difficultés puisque l'eau coule dans les robinets tard dans la nuit. Les 5 commerçants de l'huile de palme du quartier Kanyami en province Ngozi sont sous les verrous depuis ce jeudi pour n'être pas entrés dans le nouveau marché de Viegua, se trouvant en commune Mumba. Vous aurez les détails avec notre correspondant Apollinaire Muzagale à la fin de cette édition. Vous aurez droit à la chronique environnement. Et aujourd'hui, on reviendra sur l'eucalyptus, un arbre important dans la vie courante qui ne devrait pas être planté n'importe où. Vous aurez les précisions de l'environnementaliste Frédéric Banguilinama. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonjour, 6 salles de classe et un bureau du directeur à l'école fondamentale Louyora ont été endommagés par des pluies violentes mêlées de vent de ce jeudi soir. Innocent Haringanji, administrateur de la commune Wutihinda, précise qu'à part la toiture enlevée, les documents et livres des écoliers conservés au bureau détruits ont également été détériorés. Alors que la rentrée scolaire est proche, l'administrateur communal fait savoir que si par hasard on manque de matériaux pour réhabiliter d'urgence l'infrastructure, des écoliers pourront être casés provisoirement dans les classes des établissements proches. Et certains habitants du chef-lieu de la commune Gihanga s'insurgent contre un couvre-feu de 20 heures et une amende variant entre 20 et 30 000 francs burundais infligée à ceux qui sont attrapés au-delà de 20 heures. Cette mesure a été prise par l'administrateur communal de Gihanga en fin de semaine dernière. Ces habitants ont soulevé ces inquiétudes ce jeudi lors d'une réunion dont l'ordre du jour était centré sur le développement mais qui a changé en une réunion de sécurité. Spécifique Caritas Kawanyan. Le couvre-feu de 20 heures est fortement contesté par les habitants de Gihanga Centre qui disent que c'est trop tôt pour rentrer, que les détenteurs des bistrots travaillent actuellement à perte et que même d'autres commerçants n'ont plus de clients de plus. Une amende variant entre 20 000 et 30 000 francs burundais pour ceux qui sont attrapés dans la rue au-delà de 20 heures est jugée trop élevée par les habitants de Gihanga qui demandent que cette mesure de couvre-feu soit suspendue. Ils l'ont dit ce jeudi lors d'une réunion qui était destinée au développement, la construction du marché de Gihanga, mais la réunion s'est transformée en une réunion de sécurité suite aux questions qui hantent la population, qui déplore même le fait qu'il y a des policiers qui attrapent les gens devant leur maison au quartier. Ils sont conduits au cachot et ne sont relaxés que moyennant des amendes. À titre de rappel, le couvre-feu a été instauré à Gihanga Centre depuis la fin de la semaine passée, après l'attaque à la grenade contre le domicile de l'administrateur de Gihanga, une attaque qui n'a pas enregistré de dégâts. De son côté, l'administrateur de Gihanga précise que l'amende administrative exigée à ceux qui sont attrapés au-delà du couvre-feu ne dépasse pas 10 000 francs burundais. Léopold Ndayisaba ajoute qu'il va contacter les forces de l'ordre pour évaluer et bien cadrer ce qui concerne la mesure du couvre-feu, un couvre-feu qui a été instauré pour des raisons de sécurité, selon l'administrateur de Gihanga. Caritas Kawanyana, Ubanza. Merci Spes Caritas Kawanyane, page de justice à présent. Deux femmes qui avaient été arrêtées vendredi passé par la police à Gitega accusées d'escroquerie via l'association Go4Win ont été relâchées ce vendredi vers 11h. Elles témoignent avoir été écoutées par le chef du service national de renseignement à Gitega. Elles ont été interrogées sur tout ce qui est en rapport avec cette association et se sont justifiées sur les accusations portant sur elles. Ces femmes poursuivent avoir démontré qu'il n'y a pas de vol dans leur association et qu'elle a même été agréée par l'agence de promotion d'investissement. Pour rappel, 6 personnes, dont une femme venue de Bujumbura, restent au cachot de la police judiciaire à Gitega. Ils sont du comité de cette association et étaient venus avec des documents attestant qu'ils sont reconnus par la loi pour défendre les deux femmes libérées. Et 5 commerçants de l'huile de palme, dont 3 hommes et 2 femmes du quartier Kanyami en province Ngozi, sont depuis hier au cachot de la police judiciaire à Ngozi. Ils sont accusés de sabotage du nouveau marché de Viégua en commune Mumba qui doit abriter tous les grossistes d'huile de palme du chef-lieu de la province Ngozi, de Ngozi Apollinaire Muzagara. Ces commerçants détenus sont Joseph Ngurunziza, Artemon Douayezu, Innocent Manirambona, Jacqueline Mizimana ainsi que Consolat Niragir. Lors de leur arrestation, 450 kg d'huile de palme se trouvant dans des bidons de 20 litres ont été également saisis. Ils étaient dans leur boutique de ce quartier Kanyam. L'administrateur de la commune Ngozi les accuse d'avoir commis le refus d'ordre sur une décision du gouverneur de cette province, décision obligeant tous les grossistes de cette denrée du chef-lieu de la province Ngozi à rejoindre le nouveau marché de Viégua en commune Mumba. Bon nombre de ces grossistes se lamentent comme quoi la clientèle a tari dans ce marché comparativement à la période où ils étaient au chef-lieu de Ngozi. Et cela, selon eux, à cause d'un long trajet qu'on doit effectuer. Ces commerçants détenus rejettent ce refus dont ils sont accusés, arguant qu'ils n'ont pas créé un autre marché non reconnu, du moment qu'ils travaillent dans leur boutique comme les autres qui vendent d'autres produits en Ngozi. L'administrateur Songambire Rajabu indique qu'une amende administrative leur sera infligée et les met en garde s'ils font la même chose. Vous saurez que ce marché de Viégua est à environ 2 km de distance à vol d'oiseau de part et d'autre du palais présidentiel de Bouyé en commune Mumba et du chef-lieu de la province Ngozi. Ngozi, Apollinaire Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire. Arrestation également en province Makamba. 9 personnes qui disent ne pas reconnaître la direction nationale du parti UPD Zigamibanga ont été arrêtées vers la mi-journée de ce jeudi au chef-lieu de la province Makamba. La police les accuse de tenir une réunion illégale alors que des informations circulaient l'après-midi de ce jeudi qu'elles ont été remises au parquet de Makamba pour interrogatoire. Des sources proches de ce parquet indiquent que ces personnes sont dans les mains du Service national de renseignement à Makamba, qui les aurait transférées à Bujumbura ce matin. Après une courte pause, on va passer à la page société. À 13h03, certains habitants de la commune Nahangwa, mairie de Bujumbura, se plaignent de l'eau de la régie des eaux qui s'obtient actuellement en quantité insuffisante. Par exemple, au quartier Tawa, ils disent qu'ils peuvent passer 3 jours successifs sans que l'eau coule dans les robinets. Quant au quartier Songa, on fait savoir que l'eau est disponible seulement pendant la nuit. Ces habitants demandent que la régie des eaux résolve ce problème au plus vite. Processus Shingiro. Le manque d'eau ici, c'est un problème, c'est un casse-tête. D'autant plus que toutes les familles maintenant peinent à cause du manque d'eau. C'est l'un des habitants de la commune Nahangwa en mairie de Bujumbura qui exprime son sentiment de désolation à cause du manque d'eau qui s'observe actuellement dans son quartier. Certains habitants du quartier Songa de la zone Kamenge disent qu'ils accèdent à l'eau de la régie des eaux seulement pendant la nuit. Le problème d'eau se manifeste dans ces jours. Ce que nous demandons, c'est que ce problème soit résolu afin que l'eau soit trouvable pendant la journée et non pas pendant la nuit. Même son de cloche chez les habitants du quartier Taba de la zone Gihosha. Jean-Marie Nzeimana, un habitant de ce quartier, fait savoir que cette situation est devenue une habitude depuis le début de la saison sèche. C'est un problème plutôt pendant la saison de pluie. Le problème, il est toujours là, mais il n'est pas fréquent, il n'est pas très fort comme aujourd'hui pendant la saison sèche. Maintenant, plutôt ces jours de la saison sèche, on observe la carence très prolongée. L'eau vient aux alentours de 1h, 2h, jusqu'à 3h du matin par exemple. Prudence Ndimo affirme que les habitants du quartier Taba viennent de passer 3 jours successifs sans avoir l'eau de la régie des eaux. On était habitué ces derniers jours à voir l'eau couler dans les robinets entre 2h et 4h du mat. Mais actuellement, ça fait le troisième jour que l'eau n'est pas disponible. Ces habitants de la commune Nahangwa qui se sont entretenus avec la radio Isanganiro demandent que cette question soit résolue le plus rapidement possible. Processus Shingiro et à ce sujet, le directeur chargé de l'eau à la régie des eaux, contacté par la radio Isanganiro, nous a promis de s'exprimer dans nos éditions ultérieures. Page diplomatie, à présent pas mal d'initiatives pour tenter de relancer les relations diplomatiques entre Burundi et le Rwanda ont été déjà menées. Propos du ministre des Relations extérieures à l'issue d'une réunion avec les ambassadeurs et les représentants des organisations internationales créditées à Bujumbura. À propos de la poursuite du dialogue d'Arusha, Ezekiel Nibigira a annoncé que le gouvernement a déjà décidé qu'il répondra présent au 5e round de ce dialogue. Il a ajouté qu'après cette session, il ne restera que les préparatifs pour les élections de 2020 au Ban Niyonkuru.